Aïe, billets. Ce soir c'est calme, calme. Ce soir c'est calme, calme. Ce soir c'est calme, calme. La haine cause poteau. Ce soir c'est calme, calme. Ce soir c'est calme, calme. Ce soir c'est calme. Ce soir je vais pas au studio. Je reste au check-up. Pourquoi claquer de l'oseille en boîte? Chez moi y'a déjà des fêtards. Va chercher de la billard. Le temps que j'allume mon pétard. Appelle des billards, dis-leur qu'on passera plus tard. Les voisins ferment les stores. À l'heure où sortent les stars. Lunettes noires sur le boulevard, photographiées par les stars. On s'en bat les yuku, tant qu'on est hal, c'est pas mal. L'ambiance est bonne, j't'invite à faire un tour sur Paname. J't'invite à jouer au poker, mais ne fais pas le gros mytho. Autour de la table, rien que ça bluff, on se croirait au comico. Jack Daniels, mojito, vodka chef tropico. Tu peux ramener des pinko, il me reste un peu de veuf clico. Mets-toi à l'aise mon poteau, écoute les blagues de mes héros. Sors ta chicha pour le Dubaï, oublie les rails du métro. Mets de côté ta life, même si tu dois pleuver tôt. On est ensemble toute la night, sous les étoiles du ghetto. Sous les étoiles du ghetto, sous les étoiles du ghetto. Sous les étoiles du ghetto, sous les étoiles du ghetto, sous les étoiles du ghetto, sous les étoiles du ghetto. Mes frères m'ont dit abis, t'inquiète, ce soir c'est cool, y'a pas d'armement. Nice. Y'a pas d'embrouille, on va la faire canon. C'est pour les mecs en hesse, ça y est, et ceux qui roulent en fer allemand. Ce soir c'est cool, on va la faire calmement. Calmement, calmement, calmement, calmement, calmement, calmement. Quel que soit le département. Calmement, calmement, calmement, calmement, calmement, calmement. Adresse-moi appartement, on va la faire dans le calme. Déjà 3h du matin, j'ai pas bougé comme un cadre. Et chante que l'alcool matin. Accompagné de mes shabs, ça parle de voir les catins. Certains abusent sur la jack, ensuite te parlent en latin. C'est pour les frères au Tchéclar, à qui je passe le salem. Tant que l'épicier ferme tard, remballe ton match Zalem. C'est pour les mecs au placard, à qui je lève mon revêt. T'es libéra, passe nous voir le temps qu'on trinque mon refrain. Un petit moment d'évasion pour oublier les sous-sailles. Toute l'unesse vie c'est qu'un temps, autant claquer nos sous-sales. On reste ensemble toute la night, donc croyant fait pas le teutré. Tu me dois un bif, on s'arrange, mais déjà paye ta peu crée. Et pour un rien ça charrie, les sapes, les gabarits. Tout le monde est bien, faudrait pas que ces chiens de là-bas qu'arrivent. Mentalité de Diban, mauvais garçon tard Paris. Je me roule un wesh tranquillement, sans un petit son de White Barry. Les deux nous ont décidé de ne pas bouger tranquillement. Ça bouge pas pour on tient le bitume, on va la faire calmement. Me fallait open, elle me dit je t'aime mes frères, je sais qu'elle me ment. Mais je fais semblant pour me lui mettre calmement. Calmement, calmement, calmement, calmement, calmement, calmement. Quel que soit le département. Calmement, calmement, calmement, calmement, calmement, calmement. Adresse-moi appartement. Frère mon diabis, t'inquiète, ce soir c'est cool, y'a pas d'armement. Y'a pas d'embrouille, on va la faire calmement. C'est pour les mecs en hesse, aïep et ceux qui roulent en fer allemand. Ce soir c'est cool, on va la faire calmement. Calmement, calmement, calmement, calmement, calmement, calmement. Quel que soit le département. Calmement, calmement, calmement, calmement, calmement, calmement. Adresse-moi appartement. ABS, calmement.